dédicace à toutes les femmes. Mes soeurs, je chante pour vous. Vous y êtes? Oui, maman, et nous y sommes. Mes soeurs, savez-vous que la femme est la source de la vie? Mes soeurs, savez-vous que la femme est la source de la vie? Ah bah oui.